Avec une poigne qui pue le faux, je me devais de garder un œil dans le dos. L'aidé m'avait dit que mon dieu, je serais pas seul à en profiter. A tenter le diable, mon esprit enrôlé. Dans son écurie, pire que la peur de la mort, la haine s'est revers l'aversion. Si la baie célèbre la messe avec un calibre sous sa soutane, et qu'il n'a pas confiance en ses enfants de cœur, c'est canalisé, haine banalisée. On n'arrive plus à canaliser la rancœur. S'il n'y a pas que par le rap qu'on sépare, plus par les rimes qu'on s'épure, c'est pire d'être la risée de ses porcs. Plein de plaies qu'on a que nul ne peut de fois compenser. Fait qu'on se plaît peu, c'est pi plus, et que des sales gueules relatent mon récif et que mes oreilles sifflent. Pas très clair, faut pas que je mette d'esprit dans le doute. Prévenir le mal et le mal associé qui me guette au bout de la route. Je le jure, j'ai pris la place de personne. On est haineux comme des hyèneux, assoiffés de vengeance, c'est l'heure du supplice. Dans une époque de martyrs, faut soigner, que les sangs n'arrêtent de saigner, qu'un jour toi et moi une trêve on puisse signer. Chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. J'en ai tant vu et tant connu que je peux te dire qu'à 18 piges, ma vie est déjà un article de 432 pages. Je jouis de mes 500, celui qui m'allie pas, j'entends, qui m'allie pas, je le sens. Pour les mauvais esprits, j'ai dans le sang. Ils font dire qu'ils veulent me pétard, car je suis toujours pimpant. Que je me la pète, je me fais des pépettes et que mon son pète est tympan. Ces événements-ci, d'affront de moi au caille des Tessis, ne sont qu'une putain de virgule dans mon récit. Pour mon dessus à la ligne, à la longue, on s'y habitue. On regarde aussi froid que l'empointe de ma sur le bitume, lueur, si chaud dans leurs yeux dégagés que sueur. Sur mon corps, on croirait qu'ils ont tous un statueur. J'ai un single, des frères devenus cinglés, et je me retrouverai être la proie du félin dans cette jungle. Flirt avec le succès, peu de mœurs douces, je meurs à l'accès. Excès d'ondes négatives, et ça je le sais. Bref, grosso modo, je dois voir 75-018 ennemis sur mon dos. Mon dieu, je fais la PO d'un film que je vis en VO. Sans cesse, mon quotidien est d'éviter le chaos. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. La rage fait des ravages, même dans ton entourage. Quand je le ressemble, ça me fait avancer tant mieux. Les envieux me portent l'œil, mon dieu. Pourquoi tant de haineux? Au lieu qu'on se tienne les coudes, on se nique à coups de coude. Faut l'avouer, vous et moi, on est voué à de l'hostilité, esprit hanté de négativité. Les gars éviter les mauvaises personnalités. Ici bas, tu sais pas qui c'est qui t'haït. Tu peux être trahi par un ennemi ou bien par un ami. J'suis pas paranommé, autant se méfier, faut dire ce qui est. Derrière peut être situé Judas, si tu es inattentif, attends-toi à un attentat. Faut tenter de cerner avant de te faire berner. On est tous concernés, en effet, il paraît que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Schweitzer conclut en espérant que ce cas n'est pas le bon. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Si chacun savait ce que chacun pensait de chacun, chacun se méfierait de chacun. Radio Show Lapin, émission Mixomatose, Jeffrey, l'animateur que rien n'effraie. Je suis là pour écouter tous vos problèmes, n'hésitez pas à appeler, j'ai la réponse à vos questions. Ah ah, on me signale un auditeur, oui, Black Pimfada. Vas-y mon gros, allô, déballe. Oui, c'est Black Pimfada là. J'étais tranquillement dans ma Cadillac Rose là, sur le boulevard Ney, donc j'écoutais l'émission là, et je me suis dit que pour tout régler les problèmes quoi. Donc là j'ai deux prostituées là, elles deviennent folles là, deux putes là, mais putain moi elles deviennent trop folles. Avant on faisait 50-50, maintenant elles se veulent même 80% et moi je veux me les écouter 30% 20%. Vraiment. Non mais ça va pas, espèce d'enculé, non mais t'es complètement malade pauvre taré, ça va pas de raconter tes conneries sur le poste. Dégage, barre-toi de l'antenne, barre-toi. La petite Adriana là, hein, tu verras plus, voilà. Elle ne va plus te voir. C'est moi qui la dirige, qui la contrôle. C'est pas la peine, t'énerve pas, on en parlera tout à l'heure au quartier. Allez, on se voit ce soir. Allez, à plus, hein. Bon, ok, je t'appelle.